des Juifs, alors succéra la terreur. Voyez déjà, soldat, au bord du Tibre. J'y serais en effet, si Gallus, notre illustre prêteur, m'eût enfin laissé libre. Mais il m'a sans raison imposé pour prison cette triste cité, pour y voir ses folies, et d'un roi les Juifs garder les insomnies. Que fait Hérode? Il rêve, il tremble, il Il voit partout des traîtres, il assemble son conseil chaque jour. Et du soir au matin, il faut sur lui veiller. Il nous obsède enfin. Ridicule tyran, mais va, poursuis ta ronde. Il le faut bien, adieu, Jupiter le confonde. Cet enfant qui doit me détrôner et ne savoir que croire de ce présage menaçant pour ma vie et ma gloire. Je sais tenir encore une épée. Arrêtez! Ah, c'est toi, Polydorus. Que viens-tu m'annoncer? Seigneur, les devins juifs viennent de s'assembler par vos ordres. Enfin, ils sont là qu'ils paraissent. Quelque remède aux soucis dévorants qui dès longtemps m'obsède. Quel est-il ? Chaque nuit, le même songe m'épouvante. Toujours une voix grave. Savoir si cette terreur qui m'accable est fondée et comment ce danger redoutable peut être détourné. Les esprits le sauront et par nous consulter. Bientôt ils répondront. Thank you. Que faut-il que je fasse? Thank you. Es bien fort.